Salut les amis, c'est Sofiane et voilà un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui mon poteau Ronan Kenek. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée en Bretagne. Voilà, je m'appelle Ronan Kenek, je suis breton. Et un soir on m'a appelé, on m'a dit viens jouer en Bretagne mon pote, viens ça va être sympa. On m'invite à un festival en Bretagne. Et je vais à ce festival, très content parce que je joue pas beaucoup et je suis très content d'aller à ce festival. Il y avait, c'était une salle de 300 personnes dans ce festival, dans la salle il y avait 30 personnes. C'était réussite totale. Réussite totale, incroyable réussite. Et au moment de m'annoncer, le présentateur dit maintenant veuillez accueillir quelqu'un de chez vous. J'ai jamais grandi en Bretagne. Quelqu'un de chez vous, Ronan Kenek, prénom breton. Les gens m'ont accueilli. Ils ont crié Ronan. Ronan. Incroyable. Moi j'étais chaud, j'étais dans les loges, j'étais chaud. Je monte sur scène, je devais faire un sketch de 15 minutes. Dans ma tête, j'ai joué 45 minutes. Pourquoi? Parce que ce soir-là, ça n'a pas marché. J'ai fait un bide monumental. Monumental. Ils ont passé la barre trop au départ. Ils ont... Exactement. Mon sketch se termine, je devais faire un deuxième passage ce soir-là. Le présentateur revient. Il dit, maintenant, accueillez Ronan Kenek. Je fais un autre sketch. Deuxième chance. Ça ne marche pas. Bide monumental. À la fin du sketch, le présentateur dit, vous avez aimé ce qu'a fait Ronan? Je te jure, mon pote. Dans la salle, j'ai entendu du, non. On sent que le public t'aime, tu vois, déjà. Et c'est pas ça le plus drôle. Le plus intéressant de l'histoire, c'est qu'après le festival, on était au restaurant avec toute l'équipe du festival et la meuf qui m'a programmé, la dame qui m'a programmé pour le festival. Qui à la base avait aimé ton travail. Qui à la base aime mon travail. Cette fille m'a dit, quand elle m'a contacté, elle m'a dit, j'adore ce que vous faites, monsieur Kenek. Venez dans mon festival, ça va être génial. Vous allez voir, une grosse salle, beaucoup de monde et tout, 30 personnes. Elle t'a pas menti, grosse salle. Grosse salle, elle m'a jamais menti. Voilà. Je croise pas du tout les doigts à ce moment-là. Et elle m'appelle, elle me dit, oui, j'adore ce que vous faites et tout. Bref, elle voit ma prestation sur scène, ça n'a pas marché. Bah, je pense qu'à ce moment-là, elle a changé d'avis sur ma gueule. Je pense qu'elle a pas du tout aimé ce que j'ai fait. Et au restaurant, elle vient me voir et elle me dit franchement, Ronan, quand je t'ai appelé, je t'ai dit j'adorais ce que tu faisais. Jusqu'à présent, c'était vrai. Mais quand je t'ai vu sur scène, franchement, c'était nul. Franchement, je te rappellerai plus jamais. Et cette dame très gentille, je lui ai répondu une chose. Je lui ai dit écoutez, madame, vous avez pas aimé ce que j'ai fait. Moi, j'ai passé une bonne soirée, malgré qu'il n'y ait pas de rire. Mais honnêtement, j'ai joué 15 minutes, j'avais l'impression d'en avoir joué 1h30. Et depuis, je ne suis jamais retourné jouer en Bretagne de ma vie. Et je pense que le jour où je reviendrai jouer en Bretagne, je te jure, si je suis pas Gad Elmaleh, jamais je reviens. Elle m'insultait, elle était un peu agressive, tu vois, mais vraiment très fort. Et au bout d'un moment, t'as beau être gentil, sympa et tout, tu dis rien, parce que voilà, mais au bout d'un moment, quand ça commence vraiment à taper et qu'on t'insulte et qu'on me dit que c'est de la merde, de la merde, de la merde, j'accepte toute critique, il n'y a aucun problème. Mais quand vraiment on te tacle sur ta personnalité, que c'est des critiques qui sont pas constructives, et ben au bout d'un moment tu t'énerves un peu. Et moi je m'énervais, c'est de la merde, c'est de la merde. Et moi je lui ai dit une chose à cette dame, je lui ai dit ok, c'est de la merde, ok. Comment il s'appelle votre festival? On se fend la poire. Je lui ai dit excusez-moi, déjà quand on a un festival qui s'appelle comme ça, on n'a pas du tout envie d'entrer dedans. Je lui ai fait une vanne comme ça, je lui ai dit bon, ça va peut-être relancer la discussion. Elle m'a répondu, tu vois Ronan, même en dehors de la scène quand t'essayes d'être drôle, eh ben c'est pas drôle. Je te jure qu'elle m'a répondu ça, frérot. Je te jure. Bon, mais écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta sincérité et le fait de... Tu vois, il faut parler de ses souffrances un peu, quelque part, tu vois, c'est bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver? J'organise beaucoup d'événements sur Royan, sur Niort et sur Angoulême tous les mois. À partir de septembre 2018, j'organise un comedy show à Angoulême et venez très très nombreux, ça va être exceptionnel. Mon spectacle, Ronan Kenek s'entretien, sera très rapidement en scène. Et le spectacle avec Matteo Calmon, qui s'appellera Friendships, sera très rapidement en scène le 10 novembre à la salle Jean Gamin à Royan, 400 personnes. Venez, ça va être cool. L'entrée est à 10 euros. Ok, bah écoutez, on se retrouve prochainement donc pour le spectacle de Ronan et son spectacle en duo avec Matteo Calmon que vous avez pu entendre dans un épisode précédent. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Voilà, pour ma part, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, donc Sofiane Humoriste sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Et on se retrouve prochainement pour un autre épisode. N'hésitez pas à laisser une note sur 5 étoiles sur iTunes et un commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Bis à tous, même à toi là-bas. Et salut les internautes. Thank you.